DJ Naps. DJ Naps. Quoi qu'il arrive, ma vie qui me permet de la raconter. Sans tout ça, je suis pas moi, la rue, j'y suis confronté. Tant que je suis là, j'en profite, mon truc c'est représenté. Tous ceux qui m'ont soutenu, ça vous, je reste aimanté. 2005, je rentre, je suis primaire à 20 ans. Certains 15 ans, c'est triste de les voir un temps. Maison d'arrêt, CD, conditionnel provisoire, conséquence PD. D'un système dérisoire, y'a plus de valeur, ma fierté d'homme équivaut. C'est fuck les râleurs, j'aimais paraître pour Evo. Et Blue Air, je m'en tape, c'est ce que j'en pense, c'est Zarbi. Ton passé te rattrape, ma feuille qui me sert de barbie. Pas de pied, je dirais, tous nos halls sont sinistrés. Les cafois, Hemmen, puis nos mamas sont frustrés. Au lieu de parler, mon zeb envers cet état, j'aime pas aller, j'ai chevauché comme Keta. J'ai tous mes torts, j'suis populaire sur Aikou. Nique son père les coups, 340 pour Aikou. On se boucle dans le boule, j'suis vulgaire comme Clara. J'en ai plein de boules, en guerre avec le Xara. Quoi qu'il arrive, ma vie qui me permet de la raconter. Sans tout ça, j'suis pas moi, la rue, j'y suis confronté. Là j'en profite, mon truc c'est représenté. Tous ceux qui m'ont soutenu, ça vous, je reste aimanté. Les gars m'en veulent, je n'ai toujours pas pu percer. On me voit déjà gagnant, sabre résultat du tiercé. Des sentiments j'en ai, seulement envers la MIFA. Nana Roya, une spéciale pour Aïssa. Certains diront que d'avouer ce n'est pas rond. La distance est longue, c'est pire que tout pour le daron. Savourer ses proches, voilà ce que j'aime, moi je m'en bats dans pas. Je prends les conseils de Bamba. Comme on dit les frères, Salim perd jamais espoir. J'ai la niax qui me sert, la rime, la trim, puis l'espoir. Je sors d'ici, tout comme toi, je suis prudent. 22 ans pourtant, comme lui, comme toi, j'ai plus de temps. J'ai souffert seul tout, je m'en suis peu plein, puis je vous baise. Les rappeurs partout, c'est trop mesquin que c'est foutaise. On dit dans la vie, dans le métier, car les sous pèsent. C'est pas vrai, l'ami, tous ces lascars sont sous bzaise. Quoi qu'il arrive, ma vie qui me permet de la raconter. Sans tout ça, je suis pas moi, la rue, j'y suis confronté. Tant que je suis là, j'en profite, mon truc c'est représenté. Tous ceux qui m'ont soutenu, ça vous, je reste aimanté. Ma parole, c'est vrai, le rap, j'en ferai mon diplôme. Un boucan, je dirais, je suis lancé tel un cyclone. Une icône, tu pars, pour mon check-up, gros big up. Si net ou pas, je pèse aussi lourd qu'un pick-up. Je mesure tout ça, le rap c'est instantané. Quand je roule mon joint, monsieur Zabgan libané. C'est l'instant damé, comme tout Nambo, je veux mon pain. Pas le moment de caler, nique les travelots en fond teint. Un bon teint qui fait, j'étonne et ça trop souvent. Éprouvant le Soudan, ces reportages émouvants. La société nous viole, ma gueule faut faire de ton mieux. Toujours au top, mieux qu'une parade de rougneux. Je n'ai pas d'égal, je te percute n'importe laquelle. Toujours l'air brutal, je veux pas qu'on me suce, je te le rappelle. L'inspi qui vient, puis c'est reparti d'aussitôt. Je suis parti d'un rien, dès l'arrivée de ces mythos. Quoi qu'il arrive, ma vie qui me permet de la raconter. Sans tout ça, je suis pas moi, la rue, j'y suis confronté. Tant que je suis là, j'en profite, mon truc c'est représenté. Tous ceux qui m'ont soutenu, ça vous, je reste aimanté. Oh, Pozzo, Sissi, Parache, Guigui, Def, ok. 78.